Psaume 121. Cantique de Mahalot. J'élève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied soit ébranlé, celui qui te garde, ne sommeillera point. Voilà, celui qui garde Israël ne sommeillera point et ne s'endormira point. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre, il est à ta main droite. Le soleil ne donnera point sur toi de jour, ni la lune de nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton issue et ton entrée, dès maintenant et à toujours.